chill. Check. Yeah. J'suis sur le terrain parce que t'es coupé sans beat. Dans. T'es sur le banc en train de découper les citrons. Dans mon créneau, les libéraux sont montés haut. Ouais, j'connais pas les crocs si j't'ai fait le coup du sombrero. Milieu, je fais des ouvertures en tatalonade. J'suis chez les pros pendant que tu joues en national. Des années de pratique, j'en vois que des pralines. Revois toutes tes tactiques, j'recharge mes batteries. Pour toi, c'est le bad trip. J'te fais des misères tout au long de la ligne. Hein. C'est le calcio et la Liga, non pas la Ligue. Hein. Appelle-moi Briserin, j'lise bien. Putain, tu vas glisser, change d'écran. Pour contre des pneumies, j'lin, mec c'est la hella. Le public fait la hola, c'est la chorale dans le virage. Ça crie aux armes, t'es dans le coma, presque au chômage. Niveau trop bas, que des faux pas, fin de contrat. J'suis qu'en rodage, pas de dopage dans mon programme, c'est la totale. Appelle-moi Zizou, Kaka, Cristiano Ronaldo, Maradona, Papin ou Rivaldo. Passe-moi le mic, pour mon équipe je donne le sport. Je plie le score, après l'espoir le ballon d'or. Appelle-moi Figo, Pelé ou bien Shevchenko. Dis-toi Rivo que j'ai le même flow que Ronaldinho. Passe-moi le mic, pour mon équipe je donne le sport. Je plie le score, après l'espoir le ballon d'or. Dès l'engagement, passement de jambes, pas de changement. Des blessures sans pansement, de l'arbitre je m'en branle. El Matador, Ronaldinho flow numéro 10. Quand je fais l'amour à l'instru c'est du X, pas de l'érotisme. Lyrical flip-flap, j'mitraille, petite frappe. Tu parles, j'ai jaloux comme Platini face à Zidane. Protection de balle, roulette, j'ai une belle foulée. Contrôlé transversal pour l'aile, pour te faire couler. Je jongle avec les faces, plonge dans la surface. Laisse les faux sur place, crochet extérieur, écoute du foulard. Le maillot est trempé, le chaos est tenté. Le drapeau est planté, je marque des panenka avec les yeux bandés. Ceux qui me taclent par derrière méritent le carton rouge. Tous les défenseurs vont tous apprendre à brouter la pelouse. Je fais trembler les filles, les coups francs, téléguider. Le sport est plié, c'est de la Champions League, pas de la NBA. Appelle-moi Zizou, Kaka, Cristiano Ronaldo, Maradona, Papin ou Rivaldo. Passe-moi le mic, pour mon équipe je donne le sport. Je plie le score, après l'espoir le ballon d'or. Appelle-moi Figo, Pelé ou bien Shevchenko. Dis-toi Rivo que j'ai le même flow que Ronaldinho. Passe-moi le mic, pour mon équipe je donne le sport. Je plie le score, après l'espoir le ballon d'or. Le mic c'est mon ballon, tu vas manger des petits ponts grand con. Les supporters m'acclament, j'ai même pas chaud, c'est les crampons. Attaille. C'est de la taille, sans protège tibia. Une, deux, test de frappe, poteau, qu'est-ce qu'il y a. Tu peux pas jouer au ballon rond avec le pied carré. Je prends le pari car ton équipe va se faire étaler. Tire mon maillot et tu te transformes en serpillère. Accélération, meurtrière, t'es bon pour la civière. Lâche la manette, attends ton tour, c'est comme sur PES. Elle est belle avec une balayette, tu restes sur tes deux fesses. J'ai l'expérience et le charisme pour gérer le stress. Mon choix est fait, j'ai toujours préféré gagner que perdre. Tous les nasses que j'écrase au départ ne seront jamais à mon niveau. Trop de face, trop de flow, quand je place mes mots, c'est la joga bonito. Dernier défenseur, amorti poitrine. T'as pas les prises de voler, le gardien s'est affolé. Zizou, Kaka, Cristiano Ronaldo, Maradona, Papin ou Rivaldo. Passe-moi le mic, pour mon équipe je donne le sport. Je plie le score, après l'espoir le ballon d'or. Appelle-moi Figo, Pelé ou bien Shevchenko. Dis-toi Rivo que j'ai le même flow que Ronaldinho. Passe-moi le mic, pour mon équipe je donne le sport. Je plie le score, après l'espoir le ballon d'or. Appelle-moi Ribéry, Nasri ou Ben Arfa. Didier Drogba, Johan Gourcuff ou Benzema. Passe-moi le mic, pour mon équipe je donne le sport. Je plie le score, yeah. Après l'espoir le ballon d'or. Appelle-moi Messi, Tevez ou bien Robinho. Mamadou Niang, Marseillais, tu le sais bien. Passe-moi le mic, pour mon équipe je donne le sport. Je plie le score, après l'espoir.